Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères un bon barbecue avec des patrons d'un cabinet d'avocats ou un bon plat de lasagne avec des mafieux italiens ? Oh non ! Tom Cruise. Ok, Tom Cruise, ça marche. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Yeah! Et du coup, pour ça, toutes les deux semaines, on regarde un film de Tom Cruise pour un film avec Tom Cruise, pour essayer de comprendre un peu le mythe, l'homme, la star. Le génie. Le génie. On est à court de superlatifs, mais voilà, on essaye, petit à petit, on regarde, donc on essaye de comprendre. Et on commence à perdre notre objectivité qui nous incarne d'habitude. Mais bon. Ouais. Allez, cette semaine, on vous parle de The Firm, La Firme en français. Un film sorti en 1993, réalisé par Sidney Pollack, où Tom Cruise joue le rôle de Mitchell McDear, jeune avocat aux dents longues. Et du coup, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film ? Eh non ! Allez, mon cher Paulin, pas vu. J'avais pas trop envie. J'avais jamais entendu parler de ce film. Bof. Je sais pas. J'avais pas trop envie. Mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé. J'avais pas trop envie. Non. Et toi ? Je pense que je l'avais vu petit, mais alors j'avais aucun. Il me restait très peu de souvenirs. Ouais, c'est pas un film trop petit. Mais c'est l'époque, les vidéoclubs, on prenait les cassettes. Et je me rappelle de la cassette, machin, et je pense qu'on l'a vu. Et je me rappelais, juste en le revoyant le film, de temps en temps, je me dis « Ah oui, je crois que j'ai déjà vu cette course-poursuite, tous ces machins, ces trucs-là, ça me dit quelque chose », mais je pense que j'étais vraiment trop petit pour voir ça. Ouais, c'est trop complexe. Je suis pas sûr que ça compte, finalement. Voilà. Ah, d'accord. Mais j'avais très envie de le voir parce que, pareil, encore un film d'avocat, donc moi j'aime bien ça. En plus, là, c'est vraiment un film d'enquête, complot et tout ça. Et puis c'est Sidney Pollack, il fait des trucs c'est pas mal. Pas mal, normalement. Ouais. Voilà. Bon. Cool, hein. Du coup, on va démarrer gentiment, mais sûrement par un petit résumé. Allez, alors, à toi, Serena, fais-nous rêver. Beaucoup de mal avec ce résumé. Je vais faire au mieux. Sûrement, je sauterai pas mal de moments parce que c'est vraiment un film très long avec beaucoup d'intrigues et beaucoup de détails. Beaucoup de rebondissements et de sous-intrigues, donc. Ouais. Et donc, allons-y. On commence, on est à Boston, Harvard plus précisément. On voit des jeunes qui font du canoë parce que c'est un truc de Harvard. Ouais, on voit tous les trucs. On voit des gens qui jouent au basket. Et c'est qui est là ? C'est Tom Cruise qui joue au basket et qui dit « Son of a bitch » à un juge qu'il est en train de... Ah oui, et il s'excuse. Et il s'excuse. Mais, désolé, pardon, monsieur le juge. Mais t'as vu, c'est souvent que le film démarre où il joue à un sport. Bah ouais, c'est ouf, hein. Bon, un jour, avec le sang, on fait un truc un jour. On comprend que lui fait du droit à Harvard et il enchaîne les entretiens de travail. Il enchaîne cabinet sur cabinet où tout le monde lui dit « Ah, vous êtes les meilleurs de Harvard. Ah, waouh, vous faites un stage avec monsieur le juge tel nom. Ah, waouh, vous êtes incroyable. Tout le monde veut de vous. Tout le monde donne des super offres. Waouh, c'est un peu... Toujours plus. Putain, je parlais en italien, pardon. Jusqu'à qu'on arrive chez Bendini, Lambert & Locke à Memphis, à un entretien. Dans le Tennessee. Et il y a le patron qui dit, ben voilà, nous, on est un petit studio de Memphis, on n'est pas un grand cabinet, pas studio, un petit cabinet. On n'est que 41 avocats. c'est une famille, on se connaît tous. Alors, est-ce que vous avez une femme ? Lui dit oui, je suis mariée avec Abby. Ah oui, ça nous intéresse, blablabla. Et il lui pose des questions qui n'ont rien à voir avec son cursus d'études. Oui. Bizarre. Étrange. Étrange. Ils lui font une offre qu'il ne peut pas refuser. Vous comprenez, tu l'as préparé, ça. Ouais, trop bien. Et donc, il est trop content. Il va à la maison. Il vit dans un putain de studio tout pété avec... Avec un joli petit chien. Oh, le chien, il est trop mignon. Je veux trop un chien comme ça. Trop beau. Avec des gros poils longs, trop mignon. Trop beau. Il y a sa femme qui rentre du travail, qui s'appelle Abby McDear. Lui, il s'appelle Mitch McDear. Donc, Abby McDear. Du coup. Et il lui dit, oh, j'ai eu une proposition de ouf, ça sert à Memphis, c'est pas Boston, mais regarde, on peut avoir tant d'argent, une voiture, blablabla, une maison. Ils sont trop contents, il dit, ah, allons voir Memphis, comme ça, tu vois si ça nous plaît ou pas. Oui. Tu vois, on voit si ça nous plaît ou pas. Oui, c'est ça. Il se retrouve à Memphis, avec tous les avocats, il y a un jeune avocat du cabinet avec sa femme qui lui montre un peu la ville et tout. Et on commence à entendre des trucs bizarres, genre, oui. Ah, les cabinets d'avocats encouragent les enfants. Ah, il n'y a aucun avocat qui n'est pas marié, aucun oui. divorcé, aucun célibataire. Oui, parce ah bon Abby demande, est-ce que je peux avoir un travail quand même ? Oui, oui, tu n'as pas de problème, mais le plus important, en gros, c'est d'avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que ça encourage la stabilité. Et ça, la stabilité, c'est un très important. Étrange. Ouais, c'est un film de droite. D'entreprise de droite. Oui, voilà. En tout cas, c'est un cabinet de droite. Ça, c'est ça. C'est... Donc, ok. Abby a des doutes parce qu'elle ne comprend pas trop ces conversations sur leur vie privée. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre et tout. Mais Tom est trop convaincu. Excité. Allez, on y va. Tom, Mitch, est trop convaincu. On y va. Ok, on y va. Déménagement avec les beaux chiens. trop choupi. C'est les meilleurs moments, les moments avec le chien. Ils se retrouvent face à la maison. C'est une maison gigantesque, trop belle. Il rentre, elle est déjà meublée, trop mal, mais bon, elle est meublée. Elle est meublée années 90. Ouais, vieillon, truc des mamies. tout déjà meublé. Et il trouve un papier en disant on s'est permis de le meubler, mais c'est qui est temporaire, vous faites comme vous voulez. Ils sont envahis par les gens du cabinet qui les aident tout le temps. Ils sont tout le temps avec les gens du cabinet. Bizarre. Tom commence à travailler au cabinet ultra déluxe, ils ont des sols en marbre, c'est un endroit gigantesque. Il est présenté à tous les avocats comme les meilleurs jeunes avocats du monde. Il rencontre Avery Toller, je sais pas, son mentor. Joué par Gene Hackman. Qui s'occupe de offshore et des paradis fiscaux. Ouais, c'est des fiscalistes. On comprend bien vite. Hein, ils ne sont pas très rigolos. Voilà, c'est des avocats fiscalistes. Et donc, il parle avec ce Jean. Et bon, c'est un peu une ordure gentille, quoi. Mais un peu une ordure. Quoi. Un avocat un peu véreux, mais bon. Voilà. C'est un peu. Ça dépend des clients, on va dire. Qu'on comprend qu'il aime bien les femmes. Oui. Il est marié, mais en gros, il trompe sa femme tout le temps. Oui. C'est stable. Il est stable. On rappelle. Tom et Abby vont voir leur copine, là, la femme de l'autre jeune avocat du cabinet. Et elle est en larmes. Elle dit, ah, mais vous savez pas, je viens de découvrir il y a 20 minutes que deux avocats du cabinet sont morts aux îles Caïmans dans une explosion mystérieuse. Explosion de bateau. Mais pendant qu'ils faisaient de la plongée, ils sont morts. Mystère, tout le monde pleure. Enterrement. bon, je vais un peu vite. Enterrement. Gene Hackman, donc les menteurs, Avery Toller, voit la femme de Tom Cruise, Abby, et il la drague à l'enterrement quand même. Wow. Elle est froide. Oui, elle mais lui dit, c'est la stabilité. Tant qu'il y a la stabilité, tu peux draguer à l'enterrement. Donc Abby, elle reste distante. Après, il y a un long montage où on voit que Tom Cruise travaille. Abby est toujours toute seule à la maison. Elle cuisine, mais il n'est pas là. Il l'attend tout le temps. Elle est trop en colère parce qu'il n'est jamais là. Oui. Ah ! Elle est prof. Elle est enseignante. Ouais. Mais elle est un peu plus ou moins. On lui dit plus ou moins d'arrêter le travail, mais elle continue quand même. Il se retrouve un soir dans un diner américain, là où tu peux boire les cafés et manger des burgers, un endroit très bizarre. Et deux types rentrent dans ce diner que tu vois. Les types sont bizarres, plus que le diner, je trouve. Tu vois trop que c'est deux gars de l'FBI dans les cinémas des années 90. C'est clair. Les mecs du FBI, de toute façon, Ça n'a jamais été des gens discrets, je crois. Dans, en tout cas, dans les films, dans c'est mort. Dans les films. Donc, c'est deux types qui commencent à parler avec Tom. « Ah, mais vous êtes de ce cabinet-là. Ah, mais il y a encore deux morts. » Comment encore ? Ben oui, parce qu'il y en a déjà eu deux anciens avocats qui sont morts. Mmh. Et dans des circonstances mystérieuses. Donc, Tom Cruise, il se dit « Ah bon, bizarre. » Doute. Il retourne à la maison. Abby, elle est trop vénère parce qu'encore une fois, il n'était pas là. Et il lui dit, ben oui, mais de toute façon, tu fais ça pour le succès, parce que lui, il était un peu pauvre de naissance. Il dit, mais parce que tu le fais pour devenir riche, parce que tu étais pauvre, et ta maman, elle habite dans une caravane, et t'as un frère que tu fais semblant qu'il n'existe pas, parce qu'il est en prison. What? Et oui, elle replace le problème ouais. sur toi, t'as un problème avec le... Moi, je voulais pas ces succès-là, c'est en ça. Gros. On n'a pas besoin de ça, parce qu'elle vient, a priori, d'une famille plus aisée. Et ouais. C'est ça qu'elle et en plus, elle veut être avec lui. Elle veut pas ça. Être riche. C'est ça. Voilà. Mais Mitch, il est coincé sur ça. Il faut qu'il réussisse parce que c'est pour rattraper le passé. Ouais. Bon, le lendemain, Tom Cruise doit partir aux îles Caïmans avec Jean, les mentors, pour rencontrer un client. Donc, ils partent aux îles Caïmans. Ils font de la plongée. Il a les rendez-vous avec les clients où en gros Gene Hackman il n'était pas capable de gérer et Tom Cruise il gère tout ouais, genre enfant prodige à... encore il une le fois. Récupère parce qu'il a failli perdre le client en fait c'était ça le plan voilà. de base il va chez les moniteurs de la plongée oui. pour enquêter un peu sur la mort de ces oui. deux derniers parce qu'il a des doutes quand même vu la discussion avec les deux agents là. Et le gars, il lui dit, ouais, moi, j'ai perdu mon fils, donc le moniteur. Et les deux gars, ils sont morts aussi. Il y a deux autres qui étaient avec eux. Ouh, et c'est qui ces deux autres ? Bah, un, il était trapu et petit. Et l'autre, ça, il a des cheveux blancs, blonds, presque blancs, un peu albinos, avec un regard de fou. Genre, yeah. c'est les trucs super reconnaissables. Il n'y en a pas 30 000. Bon, bref. Il n'était pas à cheveux bruns. On va le reconnaître très rapidement, ouais, en fait. Très, très vite. C'est ok. Ça, c'est pratique. Ouais, il va en soirée sur les îles Caïmans. Il va à la plage. Il se ferait draguer par une fille. Il la drague. Il s'embrasse. Ils couchent ensemble. Enfin, on revient. C'est une fille qui est en train de se faire agresser. Il la, ouais, il la protège. Il l'aide à se débarrasser du mec. Mais bon. Bref. Ils couchent ensemble, on en parlera après. Ils couchent ensemble, ils rentrent des îles quand même. Ah non, et après, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans des chambres. Dans l'appart de Jean. Voilà, parce que chacun a un appartement. Il est en train de chercher une bière. Il voit une porte fermée, il a les clés dans la main. Il a les clés de Jean dans la main. Et Jean lui dit : oui, tu peux ouvrir là pour prendre des bières. Et il ouvre la porte fermée et il voit plein de dossiers avec les noms des avocats morts. Ouh, qu'est-ce le que mystère, c'est, mystère c'est. Il essaie de regarder, mais il n'arrive pas. Il ferme tout et répare. Oui. Ils doivent répartir. En rentrant, il va voir son frère Ray à la prison. Et il lui confesse tout. Ça faisait des années qu'il ne se voyait pas. Il lui confesse voilà, la situation de merde dans laquelle il est. Là, il lui dit, va voir un ami à moi. Il s'appelle Eddie Lomax. Et il est un détective privé. Il pourra t'aider. Bon détective privé des années 90. Ouais, trop c'est classe. Ça. Il va voir Eddie Lomax, du coup. Eddie lui dit, ah, mais j'adore ton frère. On était en prison ensemble. Bizarre. Et il dit, d'accord, je vais enquêter pour toi sur ces avocats. Deux minutes plus tard, non, disons une journée plus, oui, tard, plus tard, il a un peu enquêté. L'albinos et les trapus, il rentre dans l'office de Eddie Lomax pendant qu'il a embrassé sa secrétaire Tammy qui s'est cachée sur les bureaux. Bref. Vous comprenez le, ouais, le cheminement. Il rentre, il tue Eddie Lomax et la secrétaire, par contre, il ne savait pas qu'elle était là. Non, elle donc était cachée, elle est témoin, elle est cachée. Et elle est désespérée. Voilà. 4. On retrouve l'FBI. Il essaye de contacter Tom Cruise. Et en fait, ils lui font tout un chemin pour lui parler. Et il lui raconte que le cabinet, Bendini, Lockhart & Locke, je ne me rappelle plus trop, mais voilà, Lambert & Locke, travaille pour la famille mafieuse de Morolto à Chicago. C'est vrai, c'est longtemps qu'on n'avait pas eu des mafieux. Morolto, ouais. En plus, ils s'appellent le cabinet, c'est Bendini, genre les noms méga italiens. Oui, ben voilà, ils s'occupent des mafieux. Et qu'en fait, ils lui disent attention, parce qu'il y a plein de micros chez toi, oui. Donc c'est sûr qu'ils te contrôlent, ils écoutent tout ce que tu dis, il faut que vous soyez hyper discret. Il faut que personne ne se rende compte que vous sachiez. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous donnez des documents sur ces liens avec la famille Morolto et que vous nous donnez des... Bon, en fait, en gros, qu'ils fassent les mouchards. Qu'ils photocopient les preuves pour que le FBI puisse monter le dossier. Voilà. Et sans qu'il se fasse reconnaître, il dit, mais oui, mais moi, je veux pas devenir... comment on dit quand on va sous... Quand on devient témoin dans les trucs des mafias, après, aux États-Unis, ils t'amènent... Oui, ils te font changer, ils te font refaire une nouvelle vie, t'es témoin... Et c'est quoi Le programme de protection des témoins. Voilà. Et je veux pas rentrer dans ces programmes-là. Moi, je veux vivre ma vie. En plus, je peux pas rompre les serments d'avocat qui est la protection de tout, la privacy des clients, quoi. Oui. En fait, Entre-temps, il a passé l'examen... Non, pas encore. Mais bon, en gros, il lui dit, moi, je ne ferai pas ça, oh mon Dieu, à l'aide. Je veux rester avocat. Et l'FBI lui dit, bah, si tu ne fais pas ça, de toute façon, nous, bientôt, on va tomber sur vous, donc tu vas finir en prison. Voilà. Donc, tu dois le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Il va au bureau. Le premier truc qu'il va faire, il va au bureau, il dit, je veux tout le monde, et il raconte à tout le monde que l'FBI l'a contacté pour lui poser des questions par rapport... je sais plus trop à quoi, mais en tout cas, il dit pas par rapport aux mafieux. Il dit par rapport. En gros, il dit qu'il y a une enquête que le FBI s'intéresse à la firme de très près, quoi. Voilà. Et donc ils disent, ok, d'accord, c'est bien que tout le monde le dit. Basta. Il va chez Abby à la maison et lui chuchote. Il monte la musique, il lui chuchote qu'ils sont sous écoute. Il lui explique toute la situation de merde dans laquelle ils sont et qu'ils doivent faire semblant et qu'ils machin truc. Que tout va bien, mais qu'en gros, ils sont sous écoute tout le temps, quoi. Mmh. Et que lui, il doit se positionner. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aider l'FBI ou est-ce qu'il va aider les cabinets? Il décide de faire quand même des photocopies. Donc, il va à la photocopieuse. La photocopieuse, tu peux plus l'utiliser parce que maintenant, il faut un code. Donc, ils tracent toutes les photocopies qui ont été faites. Donc, il est. Il peut plus rien faire. Il y a Tammy, donc la secrétaire, qui vient le recontacter. La secrétaire du détective privé qui vient le recontacter et qui lui raconte qu'est-ce qui s'est passé et que c'était un albinos et un mec trapu qui ont tué son mec. Même par hasard. Ouh, albinos. il y a un personnage un peu louche du cabinet qui s'appelle Bill Devanker, le responsable de la sécurité. Voilà. Mais qui a l'air d'être plutôt un ripou, quoi. Un gros ripou qui est avec l'albinos, qu'on ne saura jamais, comme par hasard, qui dit à Tom, monte dans la voiture, on doit te parler. Et il dit, oui, l'FBI, il t'a menacé sûrement, parce que sûrement qu'ils ont découvert ton histoire avec... L'infidélité sur la plage, quoi. Oui, il a des photos. Oh, donc Tom, maintenant, il est menacé. Par tout le monde, clairement. Voilà, il a passé les concours. Et le monde est content. Il est arrivé deuxième. Ouais. Ça me fait flipper parce que du coup, les patrons lui disent « Ah, viens, on doit te parler. » Et tout. Et là, il se dit « Ah, merde, je vais me faire gauler de partout. » En fait, il faisait juste la fête pour son examen du barreau. Voilà. Il passe les serments. Il va manger avec Abby après en disant en fait, j'ai fait les serments du barreau, là, les trucs d'avocat, les serments d'avocat où j'ai dit que je dirais jamais rien de la relation client-avocat. Et en fait, je veux pas me trahir. Oui. Honneur. Donc, il peut pas balancer les mafieux. Du coup. Selon lui, c'est un code moral un peu bizarre, mais bon, voilà. Non, c'est que sinon, il sera rayé du barreau, il pourra plus exercer. C'est ça le truc. Mais il raconte quand même à Abby qu'il a été infidèle. Oui. Sur la plage, en disant, parce qu'il a peur d'être menacé, je pense, mais il dit, en gros, je ne pouvais pas te le cacher. Oui. Cauchemar pour Abby, pauvre Abby, qui vit dans une maison pleine de micros, qui ne peut rien faire, qui doit faire semblant de un mec qui, en plus, il a trompé. En plus, il a trompé alors qu'elle ne le voit jamais. Voilà, super. Super. Ok, Tammy prend un bureau en bas de bureau des de cabinet des avocats où elle met une photocopieuse et elle commence à photocopier tous les documents. Ils font un deal avec Mitch où en gros il lui balance les documents dans l'ascenseur pour qu'elle la photocopie tranquillou. Quoi. Et elle est en train de photocopier il monte les dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un client qui arrive qui dit mais vous m'avez surfacturé vos heures de travail. Et Tom dit ah bon on a facturé ça mais moi j'avais dit 28 heures. Et en fait les cabinets font ça. Ils rajoutent 2-3 heures. 2-3 heures à chaque fois. Et ça il dit mais pour ça il y a tu peux faire de 5 à 10 ans de prison pour une surfacturation aux États-Unis. Pour chaque surfacturation. Donc, si tous les clients disent qu'ils ont vécu ça, ben, tous les gens du cabinet peuvent finir en tolang. C'est pour ça. T'en as 1250 ans, quoi. Rajouter une heure de facturation, les tarifs, à mon avis, ça doit pas être... C'est genre 500 dollars de large, quoi. Ouais. Et du coup, il dit, en gros, en cumulé, si tu arrives à retracer toutes les fausses factures, tous les trucs surfacturés, en cumulé, ça fait énormément de temps de prison et d'amende, quoi. Ça fait vraiment couler la firme, c'est ça. Si ça tombe. Qu'est-ce qui passe ? Gene Hackman, il doit aller aux îles Caïmans à nouveau. Tom Cruise, il le sait, mais il ne veut pas que Tom Cruise aille avec lui. Et lui, il doit accéder aux dossiers qui sont dans son bureau. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Tammy, tu vas aux îles Caïmans. Il va aller à la plongée. Il appelle le moniteur en disant, quand Gene Hackman il va venir faire la plongée, tout le temps, toute la journée, Tammy va dans les bureaux, elle prend les clés, blablabla, elle fait les photocopies. Tranquille. Gene Hackman, avant de partir, va voir Abby, trop bizarre, et lui dit, oui, très bizarre, tu veux pas venir avec moi aux îles Caïmans et quitter Tom et tout ça? Et elle dit, bah non. Et en plus, j'aime pas la plongée. Et Gene Hackman, il dit, bah mais de toute façon, je vais pas faire la plongée. Et Abby, c'est le plan. Donc, elle appelle Tammy en disant, un nouveau plan. Et oui, parce mais elle ne dit pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il ne reste que 24 heures et qu'en fait, il faut attendre longtemps entre la plongée et l'avion, sinon tu te fais mal partout. Voilà. Donc, Abby appelle Tammy. T'inquiète, j'ai un nouveau plan. Donc, on est au Disney Cayman avec Gene Hackman et Abby, elle se présente. Oh ! Et elle commence à draguer Gene Hackman. Surtout, elle le drague, il parle, elle le drogue. Ça. Petite allitération intéressante. Il s'endorme. Tammy photocopie tout. Elle passe tous les documents à Tammy qui photocopie tout, elle remet tout. Et tout semble passer pour le mieux. Nickel. Mais elle fait un appel à Tammy par le téléphone de Gene Hackman, où elle dit « J'ai les dossiers, j'arrive. » Mais en fait, c'est celui-là aussi, il y a un micro. Elle est un peu bête quand même. Celui-là aussi, il y a du micro. Bon, je suis un peu dur, mais il y a un micro. Donc, au bureau, au cabinet, il se rend compte qu'il y a eu cet appel-là. Donc, ils disent, il faut réveiller Gene Hackman. Tu l'appelles toute la nuit jusqu'à qu'il se réveille parce qu'il a sûrement été drogué. Il faut arrêter ces femmes qui sont en train. C'est qui? Attends, parce qu'entre-temps, Tom Cruise, il va voir le gars de l'FBI en disant « Toi, moi, je te donne des documents seulement si toi, tu libères mon frère Ray de la prison et si tu me donnes 1,5 million sur un compte en Suisse, blablabla. » Le mec, il dit d'abord « Non, non, non, non, non. » Et après, il l'enregistre, il le menace. Oui. Finalement, il a été enregistré. Donc, il décide de faire ce que Tom dit. Donc, il libère son frère. Il livre pas l'argent. Et il Tom donne il dit, la moitié de l'argent. Non, pas encore. Non, pas Tom, encore. Il lui demande, donne-moi la moitié de l'argent, donne-moi la moitié de l'argent et je te donne les documents. Gene Hackman, blablabla, il est drogué, il se réveille les matins, Abby, par les méchants qui disent, mais c'est qui cette femme-là qui est avec toi, elle t'a trahi, en gros. Alors qu'il lui pensait qu'elle était là un peu pour lui, quand même. Il est un peu rupture de cœur pour cet homme horrible. Ouais, bon, je pense que ça va pas trop le... Mais il dit, elle est déjà partie, dommage. Ouais, il la sauve, quoi, il la couvre. Et lui dit, casse-toi tout de suite. Abby, elle se casse. Entre-temps, il se rend compte que, pour tout un tas de raisons, que Tom Cruise, il a un micmac avec l'FBI au cabinet. Pour un fax qui est arrivé, blablabla, qui disait que les frères étaient sortis des prisons par un agent de l'FBI. Donc voilà, ils ont tout compris, quoi. Donc, scène un peu dangereuse. Là, en fait, Tom, il a tous les documents de l'île Cayman sur la famille sur les Morolto. Mais il n'a pas les chiffres. Il voudrait savoir, il a besoin de savoir les chiffres. Ils sont où? Sur l'ordinateur des Gene. Donc, avant que Gene Hackman rentre des îles Cayman, il doit aller au bureau et regarder. Les gens du bureau, ils sont à la recherche de Tom. Tom, il se présente. Il va dans le truc. Il imprime tous les documents de la famille Morolto. Il sort du bureau. Il y a le chef qui lui dit, viens, on doit te poser une question. Et lui, il trace, il court, il court, et il se sauve, machin. Et après, l'albinos, blablabla. Bon, bref. Course-poursuite. Là, c'est la course. Course-poursuite. Jusqu'à que l'albinos, il se fait buter. Lui, il arrive à se sauver. L'FBI lui donne les demi-millions de dollars. Lui, il lui donne les documents. L'FBI dit, mais c'est quoi? C'est qui sur la surfacturation? Il n'y a pas du tout les documents des mafieux. Donc, il a décidé de ne pas donner les documents des mafieux. Là, ce facturation lui dit, mais oui, mais tu peux emprisonner tout le monde et après tu fais ton job et tu me casses plus les couilles. Il se casse, il va voir les mafieux parce qu'entre-temps, il y a les mafieux qui sont arrivés. Les mafieux qui cherchent, c'est Mitchell McDear qui est trop méchant, qui est un peu... qui est en train de les faire tomber, du voilà. Coup, ils ont peur aussi. Et lui, il arrive. Pim, il sonne chez les mafieux. Je et les, voilà, c'est moi, les méchants. Et j'ai tous vos documents. Si vous me butez, tout va être balancé à l'FBI. Vous me laissez tranquille, je serai toujours votre avocat. Je romperai pas notre serment. Ouais, la firme va tomber, mais vous trouverez d'autres. Enfin, voilà, vous continuerez votre histoire. Les mafieux disent d'accord. On voit les frères, les demi-millions finalement, il n'était pas pour lui, mais il était pour les frères qui étaient sortis des prisons, qui est avec Tammy dans une belle histoire d'amour. Et lui et Abby décident de revenir enfin à Boston parce qu'ils en ont marre d'être aussi riches. Et voilà. C'était l'expérience Memphis, c'était horrible. Fin du film. Waouh, bravo. Ah, là, tu peux respirer parce que là c'était, ouais, c'était intense. Que, ouais, c'est intense. Voilà, il y a plein de trucs, mais bon, en gros, c'est un truc avec la tension qui monte tout le long. Tout le long. Du coup, on se fait un petit extrait. L'extrait, c'est vraiment la fin. C'est la course-poursuite, quoi. C'est le démarrage où Tom Cruise va se faire. D'abord, toute la firme a capté. Ils vont lui dire de venir dans le bureau. Et puis lui, en fait, il va partir en courant. Il va courir. On l'appelle. Le chef, il l'appelle. Mitch ? Silence. Can you step in here, please? Vous pouvez venir une minute ? Téléphone qui sonne, qui le sauve. Le coup de fil qui va le sauver. Yes, he's right here, Nina. Transfer him. Mr. McDear. Judge Tarrant. Il y a un juge pour vous au téléphone. Alors, le juge Tarrant, c'est le nom du mec du FBI. Du FBI qui le sauve. Allez, il va répondre au téléphone dans une tension des ouf malades. Là, c'est tendu. Il se jette des regards. Il décroche. Okay. Hello. Et il y a le chef de la sécurité qui arrive. Ouais. Et l'FBI lui dit cassez-vous, quoi. Il savent tout. Tu cours, tu te casses. Cours! Tout le monde autour de lui. Le chef de la sécurité, il est autour de lui. Il dit... Oui, je comprends. Il raccroche. Très doucement. Il fait ça. Allez, cours plus vite que la lumière. C'est genre un peu... Ah, regarde par là. Il court. Bon, les mecs sont pas inquiets parce qu'il y a tout le monde autour. Et là, c'est parti. Hop, Il se prend l'escalier. Il court super vite. Hop, virage, joli. Il a une sacoche. Hein, c'est ouais, il a une sacoche. Une vieille, vite. Hop, il escalade la vieille. Et ça continue, ça court, change. Il rentre dans un bureau. Il y a quelqu'un qui dit... Il prend une chaise et... Casse la vitre! Michel, est-ce que tu peux prendre une chaise si tu veux? Et il se jette dès la fenêtre! Dans un grand camion rempli de coton. Ça tombe. La chance! Ça, c'était bien vu. Il saute du camion avec un bel. Et il court dans la ruelle. Et là c'est la grosse course poursuite. Une belle musique derrière! C'est poursuivi, les mecs de la sécu, etc. Et là, il commence à détruire tous les documents. Oh, Tommy. Et voilà. Donc là, et là, c'est la première partie de la course-poursuite qui va reprendre après, qui va durer un bon moment jusqu'à ce que l'albino se fasse tuer par le chef de la sécurité. Enfin, c'est bla, bla, bla, très bien, mais il s'en sort bien en plus. Hein. Il fait des astuces où il fait croire qu'il est là alors qu'en fait, il est au-dessus. Il fait un truc hyper... il est coincé sur un tuyau au-dessus. Il est en sueur, il n'en peut plus et il attend que les mecs passent pour les assommer. Enfin, bon. C'était... Bravo. Il s'en est bien sorti. Performance physique. Hein, ouais. voilà. Bon, alors du coup, la firme, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, d'abord toi. Moi, j'ai bien aimé. Ah. Ouais, moi, j'aime bien. Mais après, c'est un peu le même problème qu'il y a deux semaines. Moi, j'aime bien les films d'avocats, de suspense, d'enquête, etc. Je trouve que c'est bien mené. Mais c'est un truc qui est un peu... ta première partie, vraiment l'angoisse, le truc de cette boîte est hyper bizarre. Ils sont tous chelous. Ouais, après, ça révolutionne rien, quoi, mais c'est marrant. Après, c'était un film qui était vendu comme film... C'était un film d'été, tu sais, les films qui sortent l'été. Ah bon ? Qui doivent faire des gros cartons, donc avec un gros casting, etc. Et c'est assez marrant. C'est pas souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ça, les films d'enquête pour l'été. C'est plutôt les blockbusters. Un peu sur l'enquête sur la mafia, le fiscal, l'évasion fiscale. C'est pas forcément le plus simple, mais c'est marrant en plus. Après, en plus, tu vois, la mafia, c'est pas tant la mafia, le méchant et le problème. C'est vraiment cette espèce de boîte hyper chelou où c'est avec des méthodes très. Très complexe. Mais du coup, non, ouais, j'ai bien aimé. Il y a des Ça m'a plu. Je te dis, j'ai perdu toute objectivité, je pense. Mais non, je trouve que ça marche très, très bien. Je sais pas, moi. Ah, voilà. Mon micro tombe. Bah, je sais pas, parce que... moi, j'étais très... Bon, l'enquête, elle est intéressante. Toute l'ambiance du début, tu dis, mais ils sont quand même chelous. Ils savent plein de choses sur lui. Tu comprends pas, ils disent des choses, tu sens les trucs louches. Je trouvais ça génial. Ouais, ça pouvait être un super film de science-fiction ou un truc comme ça. Ouais, c'est marrant ça. Et après, quand il y a les trucs de la mafia et tout, je trouve. Bon, voilà. C'est un peu emberlificoté, ça fait un truc. Mais même, c'est trop les mythes des mafieux avec qui tu peux parler, qui font les deals avec toi sans souci. Ah, ça t'a choqué, qui sont méga raisonnables, tu vois. Ah oui. Mais non. Bien sûr. Mais non, c'est justement ça. En plus, le truc de la famille... Non, on n'y est pas. Non. On n'y est pas. Non, ça, non. Après, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé Tammy, le personnage de la secrétaire. Je trouve ça assez génial. Mais même la femme, je ne sais pas. Ah, j'ai bien aimé. Je trouve que pour la peine, les personnages secondaires, il y en a beaucoup. C'est pareil, il y a un bon casting. Oui. Et ils sont tous plutôt bien. Ils ont tous un truc intéressant, quoi. Tu vois, même c'est con, le tout premier avocat avec qui il discute, qui l'accueille, oui. il a peu de dialogue, etc. Mais il apporte un truc, je trouve que c'est pas mal foutu, quoi. Sa femme, c'est pareil, en fait. Sa femme, elle a un rôle hyper important et qui est dans l'intrigue. Oui, finalement, oui. Enfin, je trouve que tous les personnages sont vachement bien. Ed Harris, qui fait un des mecs du FBI, c'est pareil. Enfin, je trouve que les personnages ont une vraie consistance. Et marche bien. On n'est pas comme sur le film précédent où c'était un one-man show. Quoi. C'était Tom Cruise, bien sûr. Là, tout s'est bien emberlificoté, etc. Et t'as Tom Cruise au milieu qui est le fil rouge et qui subit ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré sur les personnages. Même les patrons de la boîte, là, les vieux qui sont hyper inquiétants en faisant rien. Je trouve ça génial. Quoi. Mais qui ouvrent la porte. Bonjour, vous pouvez rentrer. C'est vrai qu'il y a l'inquiétude du début qui est vraiment agréable à regarder. Le début, justement, marche bien avec ce truc de il a des offres partout, c'est génial, c'est le Wonder Boy du truc, enfin, je sais pas, c'est génial, quoi. Et en fait, t'arrives dans cette boîte, après, tu te dis, putain, ils sont chelous. Mais après, ils sont chelous dès l'entretien, non, moi, parce qu'il lui file une enveloppe, ils disent, bah, l'offre, elle est là-dedans, en fait. On va pas te la donner, quoi. Tu ouvres, tu fais ce que tu veux, tu l'ouvres, tu l'ouvres mais pas. Si mais si t'es un bon avocat, tu ouvres pas, quoi. C'est ça. Si t'es un bon avocat, tu peux être sûr que ce sera meilleur que tout ce qu'on t'a déjà proposé. Ouais. C'est marrant. Pas... j'aime bien. Je trouve que c'est bien amené. Non, mais si, c'est bien amené. Mais il y a plein de trucs bien. Mais il y a les trucs sur la mafia, je peux pas cautionner. Et il y a les trucs sur les deux méchants serial killers ils devraient être les plus discrets au monde. Ils sont un, ils boitent, et l'autre, il y a albinos quand même. Mais c'est... Oui, mais celui qui boite, c'est parce qu'il s'est fait, tirer par le. Oui, mais quand même, ils sont méga reconnaissables. Quoi. Oui, mais après, je trouve qu'il y a quand même ce truc, c'est que. C'est un film d'été, donc il faut quand même que ce soit, qu'il y ait des trucs, il y a les codes, quoi. Faut qu'il y ait la course-poursuite, faut qu'il y ait le méchant bien identifiable. L'albinos, moi, il y a un truc que j'adore, il court trop bizarrement. Il court penché en avant, avec les poings très très près du corps, en faisant des tout petits mouvements. Ça n'existe pas, des gens qui courent comme ça. C'est très drôle, on dirait qu'il est penché, il est penché à 45 degrés en avant, c'est très drôle. Parce qu'il doit courir derrière Tom. Ouais, du coup, alors que Tom court, alors ça y est, Tom, il court... Mais pas les mains ouvertes. Mais non, mais il tient une sacoche, il peut pas. Et oui, c'est vrai. Je me suis fait la même réflexion. Ouais, j'ai regardé moi aussi depuis la dernière fois que tu avais dit ça. Mais en fait, mais il court bien après. Bon, on il court vite surtout, c'est impressionnant. Il est très fort. C'est impressionnant. Alors, bon. Bah après tu vois, par rapport aux inquiétudes que tu avais dans le roman, parce que c'est adapté d'un roman de John Grisham, du coup. Ouais. Et dans le roman, la fin est pas du tout la même. La fin, en fait, Mitch balance tout le monde. Balance pas que là. Il se planque pas derrière le trou de la surfacturation. Ah, mais c'est ça qu'il devrait faire. Ouais, je trouve ça un peu abusé qu'il le fasse. Il y a plein pas. De trucs qui ont changé. Il y a ça. Il y a le fait que Abby, dans le bouquin, la femme, elle existe moins parce que c'est pas elle qui va au Caïman, c'est pas elle qui fait partie du plan final, en fait. D'accord. Enfin, qui s'incruste dans le plan final. Quoi. Elle est un peu sur la touche, on va dire, du début à la fin. Oui. Ouais. Donc, là, soit dans les films, au moins, ils ont essayé de lui donner un peu de relief. Mais c'est intéressant, relief. Du coup, parce que ça fait que c'est pour ça aussi qu'ils se remettent ensemble à la fin et qu'ils retournent à Boston. Il y a un truc logique, en fait. Mais les mecs, c'est trop bizarre. Tu vois, le personnage, il a risqué tout pour récupérer tous les documents sur les mafieux. Finalement, il ne les donne pas à l'FBI. Il prend un risque de ouf d'aller chez les mafieux, chose que jamais de la vie les mafieux étudient. Bah oui, bien sûr, prends tous nos documents, il n'y a pas de soucis. Et il les dénonce pas, quoi, parce qu'il veut pas rompre les serments avocat-client. Franchement, parce c'est qu'après, abusé, c'est ce qu'il explique dès le début. Il veut pas être dans le programme de protection des témoins, il veut rester avocat. C'est vrai. Et que après, en plus, il y a le truc qui est quand même logique, c'est que s'il fait tomber la boîte, les mafieux, ils sont un peu, ils tombent pas directement, mais ils sont à découvert, parce qu'il va falloir qu'ils retrouvent une autre boîte. Enfin, ça va quand même se resserrer sur les mafieux. Ouais. Après, on sait pas parce que les documents, il les a quand même. Il les a pas donnés, mais il les a quand même. Donc, est-ce qu'il les donne pas Ce qui va se passer, c'est que les mafieux, ils vont tuer son frère, sa mère, lui et sa femme. Est-ce que c'est pas son frère qui va garder les documents et les filer? Enfin, tu sais pas quoi. Là, en l'occurrence, c'est les frères qui a les copies des documents. Qui a les documents. Donc, peut-être que c'est le frère qui va faire tomber pendant que Tom Cruise peut continuer d'être avocat et que la vie de chacun reste tout va bien. Tu vois. J'essaie de te convaincre. Non, cette fin-là, non. Ouais. Et jusqu'à là, c'était bien, mais bon, mal. Voilà ce que je pensais. D'accord. Je me suis même un peu endormie à un moment donné. Oh là là, mais deux minutes, si tu commences deux à dormir. Mais non, mais c'est long aussi. Il y a plein de rebondissements. Et je me suis endormie quand Gene Hackman il allait demander à Abby de partir avec lui. Je fais, oh non. Ouais. Oui, je me suis endormie. Bizarre, c'est trop bizarre. Mais je me suis réveillée tout de suite après parce que Boris à côté m'a fait « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'étais là « Quoi ? Quoi ?» T'as mis la pression. Mais après, le personnage de Gene Hackman, il est marrant parce qu'il n'est pas... En fait, en gros, tu le découvres, on t'a expliqué tout le principe de la firme. Donc, il faut avoir des... En gros, il faut avoir une famille, il faut être stable, etc. Des enfants, pas et lui, d'alcool. Il arrive après, il t'explique « Ouais, c'est ça qu'il faut faire, mais moi, je fais tout l'inverse. » Ouais. Et c'est rigolo, du coup. Oui, en c'est plus, bien, c'est ce mec-là peu... qui est tout le coup, qui aurait pu foutre la merde de l'intérieur, mais qui reste de l'intérieur et qui va prendre Tom Cruise sous son aile et au final, qui va quand même les couvrir, enfin, qui va couvrir Abby et dire oui, c'est oui, bon. Oui. Bon. Après, ce qu'on n'a pas dit dans le résumé, c'est qu'il se fait buter, du coup. Ah oui, c'est vrai, il se fait buter, mais on le voit pas, mais on le sait après. Il le sait à partir du moment où il a vu Abby que les documents étaient partis, que c'était de sa faute et que donc, en fait, c'est mort. Et après, c'est un peu un truc inéluctable. Il savait, en fait, qu'il y a un moment, il allait crever parce qu'il allait avoir le moindre truc de côté, tu pars. Parce que les 4 ou 5 avocats oui, qui sont morts avant, dit, ouais. Ils sont tous morts à 40, 41 ans. Et parce qu'il y avait eu un moment où ils avaient mis un truc en doute de la firme. Surtout qu'ils voulaient partir parce qu'ils ont découvert tous, à un moment donné, qu'ils travaillaient pour des mafieux. Ils se sont dit, on va partir plutôt que de travailler avec les cabinets. Et ça, les cabinets ne veulent pas. Quoi. Et non, la firme, donc à la place, tu meurs. Pute. Donc en fait, c'est ça, Gene Hackman, il sait qu'il y a un moment, il va faire le truc qui va un peu déraper. Oui. Donc il était un peu préparé à ça et puis il avoue plus ou moins qu'il a une vie pas forcément foufou quoi donc ouais. Mais ouais c'était je sais plus pourquoi je disais ça mais voilà c'est quand même non mais c'est que intéressant Gene, du coup les personnages de Gene Hackman il ouais, est intéressant sais, les, ouais, les personnages sont bien et un autre truc alors moi j'ai trouvé super a priori vas-y. Vous avez pas tous trouvé ça super c'est la musique. Ah, alors, la bande, c'est que du piano. La bande originale, c'est du que début du piano. À la fin. C'est Dave Grusin qui fait ça. C'est que du piano, piano, piano, piano, piano, tout le temps. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il peut te démarrer un morceau dans un truc genre Angoisse, film des années 90. Et après, c'est Non, mais on est à Memphis, donc tip, tip, tip, tip, jazzy, jazz. Et après, tu repars, tout ça marche trop bien. Je trouve ça génial. J'adore les bandes son comme ça, un peu minimaliste avec un vrai parti pris. Tu sais, ça m'a fait penser à. Je sais pas si tu avais vu Birdman. Le film avec Michael Keaton qui est une espèce de long plan séquence sur un acteur sur le retour. Birdman. Oui. Oui oui j'ai oui. Dit quoi j'ai compris Birdman, pardon. Birdman. Birdman. Birdman. Birdman. Ouais ouais, ouais. Bande, ah oui, avec son, la batterie. Que de la batterie tout le temps oui, avec bien. Des petits machins et c'est ça génial en fait. Et là, c'est un peu le même principe de t'as un instrument et tu vas naviguer avec tout ça et je trouve ça génial. C'est bien mais il y a la scène du début et la scène un peu d'action où c'est oui. Trop génial les pianos derrière. Par contre, les scènes un peu mielimélo, oui, où ça fait plim, plim, plim, plim, plim. Ça fait vraiment piano. Oui. C'est comme c'est les sax dans les années 80. Quoi. Les pianos des années 90. Oui, il y a des trucs qui sont... Tout n'est pas aussi recherché. Il y a des morceaux effectivement, qui sont plus faciles. Mais, ouais. Mais globalement, moi, je trouve que ça pose une ambiance qui est hyper marrante. Et, ça, oui. Assez original. Et pour, pareil, pour un blockbuster d'été, ça, je trouve ça... Ça va, original, original. Je trouve ça original. Et je tenais à le souligner. J'anticipe parce qu'il faut que je trouve des arguments parce que je vais devoir mettre une bonne note et Serena ne va pas vouloir mettre une bonne note. Non. Alors du coup, il faut faire quelque chose. Oui. Ouais. Ok, donc. Alors, ce film, on va regarder s'il a marché, s'il y a de la récompense et tout ça. Oh oui. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Les Oscars. Alors, et les c'est Oscars. Le moment quiz-esque Oscar. Aïe. Alors, c'est Gene Hackman, il doit avoir un Oscar. Ouais, Gene Hackman, il en a deux. Bam. Ah, bim. Il en a eu un, du coup, l'année d'avant, en second rôle sur Impitoyable. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait dit la dernière fois. On en a parlé, fois. Du coup, qu'il était en compète avec Nicholson. Yep. Et il en avait eu un autre avant, pour premier rôle, pour French Connection. Ah. Ouais. Deux Oscars, Gene. Bravo, Gene. Et plus bravo, trois nominations, je crois. Belle, ah ouais. Belle carrière, du coup, Gene Hackman. Bravo. Quand merci, même. Monsieur bravo. Hackman. Mais, bravo. C'est pas fini. Sidney Pollack, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Out of Africa. Ah, mais oui, c'est vrai, coup, avec Meryl Streep. Voilà. Meilleur film, meilleur réalisateur. Bon, ça, c'est bim. Réglé. Boom, boom. Et d'autres nominations plus. Encore ouais, encore. Attends, il y a qui la musique ouais. Non. Dave Grusin, il a eu 7 nominations aux Oscars. Wow. Et il en a eu un pour je me rappelle plus, je l'ai écrit, je n'arrive pas à me relire. The Milagro Binning. Binfield, waouh. Désolé, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, enfin, il en a eu un, donc j'étais quand même content qu'il en ait eu un. Ah ouais, bravo. Et alors, il a été nommé aux Oscars pour ce film. Pour ce film. Comme quoi. Non, mais voilà. Elle est bien, c'est juste qu'au bout d'un moment. Bon, bref. Non. Et il y a eu une autre nomination pour ce film. Ah. Ah-ha. Montage. Hein non. Non, c'est costume. Pour un acteur ou une actrice. Ah, Tammy. Oui. Ah oui, ouais. Holly Hunter, elle a une trop nomination fort. Pour le second rôle. Ah, mais non, mais elle est trop... elle a un elle super beau personnage. Ouais. Ah, qui est super cool. Ouais. Et alors, c'est rigolo parce que ça doit être un record parce qu'elle a une nomination aux Oscars pour seulement 5 minutes 50 à l'écran. Waouh. C'est énorme, hein. Ah, c'est énorme. Mais quoi, non, mais elle a un charisme des ouf. Et son personnage marche super bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Très bien. Mais après, il s'avère qu'elle a eu une nomination là, mais elle a eu un Oscar l'année. Non, la même année. La même année, elle a été nommée aux Oscars pour le second rôle pour The Firm. Okay. Et elle a eu l'Oscar du premier rôle pour La Leçon de piano. Badaboum. Ah, mais oui En plus, La Leçon de piano, c'est génial. Ouais. Donc, elle a eu un Oscar aussi. Waouh, bravo. C'est balèze, hein. Bah, elle est trop forte. Là, on enchaîne des films où tout le monde a des Oscars. C'est dingo, quoi. Et Tom. Bon, rien. Alors, petit point cool. Budget. Ça a coûté... Là, on commence à... Pas mal, non ? 42 millions. Ah, comme, plus ou moins comme la dernière fois. Ouais, mais c'est parce que c'était pareil. Je pense que t'as quand même des vedettes pas mal. Bah, un peu moins quand même. Tom et Gene Hackman. Les voyages. Les Caïmans. Les jets privés. Parce qu'après, Tom Cruise, il est sur 12 millions, un peu comme la dernière fois. Ouais, alors... Et alors, est-ce que ça a marché ? Mais oui, ça a marché, bien sûr, ouais, tout marche. C'est les années 90, c'est tout tape les 200 millions facile, et là c'est 270 millions. Ah ouais. Ouais. Donc ils ont réussi leur pari du film d'été, bien réussi. C'est ouf hein, quand même. C'est ouf. Film avec d'été, plus ou moins quand même, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais deux films avec les mêmes comédiens, plus ou moins les mêmes thèmes. Ouais. Les deux films cartonnent. Et les deux films cartonnent. Tu vois, on s'en lasse pas quoi. L'enfant prodige avec des problèmes avec les pères, qui est avocat et qui réussit tout. Voilà, mais tu les as vus trop rapprochés. Ouais. Tu vois, dans la vraie vie, les gens, ils ont eu un an avant de voir le suivant, donc ça va. Tu vois, bon, il va vite falloir qu'on passe au suivant pour que tu puisses exorciser tout ça. Ouais. Et donc, du coup, bah oui, ça a bien rapporté. Hein. Ça coûte 42 millions, ça en rapporte 270 millions. Énorme. Tout va bien. Et là, c'est. Ah non, mais je te dis, de toute façon, les années 90, tout va bien en termes de sous-sous qui rentrent hein, pour notre ami Tom Cruise. Et surtout, après, ça va être le salaire. Ça va commencer à grimper. Eh oui. Bref, on en reparlera plus tard. Du coup, Tom Cruise, alors, dans ce film. Oh non. Moi, je commence direct, j'ai un problème. Vas-y. C'est pas vraiment de sa faute. J'ai pas compris ses cheveux. Trop moche. Bon, non, mais... ça, c'était... OK. Mais plus techniquement, il y a des scènes où il a les cheveux coiffés. OK. Des semaines décoiffées... Enfin, des scènes où c'est décoiffé parce qu'il a couru, machin, etc. OK. Mais il y a des fois, on a l'impression que c'est pas la même coupe. Plus long, plus court, machin, ouais. Plus bouclé, enfin pas bouclé, mais plus, tu vois. Et oui, je vois bien. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il tournait un autre film en même temps, où il y avait un problème, ou je sais pas, mais il y a c'est un gros. Ben non, du coup, j'ai pas l'impression. Ah ouais, donc bizarre. C'est bizarre. Ça m'a vraiment perturbé pendant très longtemps. Très longtemps. Ok. Ben non, mais c'était bizarre. Et sur son jeu, t'en penses quoi? Ah non, après oui voilà par contre voilà, sur son jeu. Que... Non moi j'aime bien bah après on est un peu en terrain connu. J'avais envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est le faire, il fait l'innocent etc. mais Il y a un truc qui est cool, je trouve, c'est que il est marqué physiquement et au fur et à mesure. Et c'est pas mal, quoi. Mais c'est vrai qu'on voit l'angoisse bien, tu vois. Ça, c'est un truc qui est bien. Alors, la réalisation, tout ça, la production fait que là, c'est bien marqué. C'est cool aussi de voir que physiquement, il peut prendre cher et ça aide la progression aussi dans le truc, quoi. C'est vrai. Parce que sinon, si le mec il est impeccable du début à la fin, il t'a beau jouer comme un champion du monde, ça marchera pas, quoi. Notamment quand il va voir les mafieux. Oui, nous, on sait dans les films qu'il a fait tout la course-poursuite avant, qu'il est épuisé et tout. Là, tu le vois, il ne fait pas grand-chose, il est juste immobile, mais physiquement, il a un truc... Il est éclaté. Il est éclaté, quoi. T'as l'impression qu'il n'a pas dormi pendant 2 semaines. C'est assez fou, ça. Ouais. Mais même quand tu le vois démarrer à bosser, etc., et puis au fur et à mesure, très rapidement... Petit à petit, ouais. En fait, on arrive très, très vite à un moment où il a tout le temps l'air épuisé et il le joue tout le temps épuisé. Et... Ça, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. Ils s'en sortent pas mal. Après, voilà, il n'y a rien de très surprenant, mais je trouve que ça tient bien le film. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Avec le fait d'avoir des personnages secondaires qui sont bien écrits et qui jouent bien, c'est quand même plus agréable aussi de ne pas avoir tout qui porte sur lui. Ce qui fait que lui, il a sa vraie progression du personnage qui marche bien. Et c'est peut-être moins remarquable, mais un moment, les films de la dernière fois, un mieux. C'est un peu les caps supérieurs où tu vois une vraie progression du perso. Oui. Tu vois la descente aux enfers un peu. Et... Après, je pense que tu vois dans le film d'il y a 2 semaines, dans Few Good Men, il y avait elle est écrite la progression du personnage, mais elle est moins bien visible parce qu'on ne voit que lui. Oui. Que là, du coup, le fait de passer par d'autres trucs, qui est le truc de suspense, etc., c'est plus discret, c'est tout aussi bien écrit, mais c'est plus discret, donc ça fait moins raté, on va dire, dans ce qu'on imagine maintenant, en fait. Je pense que dans la manière d'écrire maintenant, effectivement, tu crées pas la progression d'un personnage de la même manière que dans les années 90. Ouais. Bien sûr. Ouais, toi, du coup. Ça m'ennuie un peu de le voir toujours dans les mêmes trucs. Pareil, encore une fois, il part du père. Au bout des 10 minutes, il est mort dans une mine de charbon. Ouais, mais ça, après, et tu sais, non. Je sais plus quand est-ce qu'on en parlait de ça, mais tous les cinémas hollywoodiens, ils ont tous des problèmes avec leur père. Je sais, ils ne parlent que de problèmes avec leur père. Donc ça, malheureusement, je pense que tu peux prendre n'importe quel film, c'est tout le temps ça. Hein. Spielberg, toute sa filmographie, ça parle que de ça. Hein. Oui, mais bon... Mais c'est chiant. Bon, mais c'est Hollywood. C'est un peu chiant. Oui, il est un peu ce truc-là. Je pense que c'est pas Tom Cruise, ça. Je pense que c'est vraiment Hollywood. Et après, Tom Cruise, il appelle particulièrement à ces genres de personnages. Après, je trouvais qu'il jouait super bien les gars qui est méga ambitieux, qui est du passé un peu pauvre, prolo, et qui du coup, il essaye il te parle du succès comme un truc. Ouais, les succès, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est génial. Moi, je trouve qu'il le joue bien. En plus, c'est sa vraie vie. Et du coup, voilà, il y a ce double jeu entre les comédiens et les persos que je trouve intéressant. Et en effet, sur la fin, tu fais « Ah ouais, tu vois vraiment le désespoir du personnage. » Et ça, c'est cool. Mais bon, ça m'a pas électrifié, quoi. Après, je voudrais le voir un peu dans un truc différent. Parce que là, on enchaîne un peu les mêmes rôles depuis quelques temps. C'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas se rendre compte de la progression réelle de son talent d'acteur ou quoi, tant qu'on le voit dans les mêmes genres de rôles. Et ouais, c'est presque la même chose. Peut-être un peu bien fait. Mais... Après, ça fait quand même plusieurs films qu'on fait où t'as pas grand-chose à lui reprocher, en fait. Non, ça va, il le fait très bien, blabla. Y a aucun souci. Après, c'est pas des rôles à Oscar, c'est pas des performances époustouflantes. Non. Physiquement, c'est pas hyper incarné engagé. Encore. Même s'il fait des trucs. Ah oui, si, il y a une scène, mais c'est pas lui qui l'a fait, a priori. Ils sont dans la rue à Memphis, ils se baladent, et il y a un gamin qui s'amuse à faire des rondades de flip. Et Tom Cruise, il s'arrête et il fait une rondade flip avec lui. Enfin, c'est un truc de gymnaste. Mais tu vois très clairement, vu comment c'est filmé, que ça peut pas être lui, en fait. Moi, je pensais que c'était lui. Mais là, comment c'est coupé, c'est mort. On le voit pas. Ouais. Mais non, mais après, toute la course poursuite et tout, c'est. Enfin, après, moi, j'aime bien comment il court, parce que s'il doit se cogner contre un truc, il se cognera. Il est fort. Il y a un truc, mais ça, on l'avait déjà vu. Enfin, on en avait déjà parlé que. Quand il doit tomber, il tombe comme quelqu'un qui tombe. Pas comme un comédien qui tombe. C'est très drôle. Bravo. Merci, Tom. Merci. Mais du coup, Serena, quelle heure est-il? C'est l'heure du coup aux auditeurs. cette blague préparée depuis 4 épisodes qu'on a vraiment fait à faire. Le cruisomètre, c'est l'échelle de 0 à 100 où on va donner notre ressenti après le visionnage de ce film pour la carrière, la suite, etc. L'importance, Serena ? Non. Alors, je vais donner pas, plus que les derniers films parce que c'est la même chose, mais c'est un mieux. Mais je ne veux pas donner trop. D'accord. Parce que cette chose des mafieux, ça m'est resté vraiment... Mais c'est pas la faute à Tom Cruise, ça. Oui, mais quand même, il a participé. Il y a un truc, je peux pas cautionner. Tu lis ça. D'accord. Je sais pas, j'arrive pas trop. C'est vrai. Parce que je pense que c'est quand même assez culte, la firme. Ça fait partie des gros films majeurs dans sa filmographie. Bah, tu vois, mais moi, j'aurais pensé film culte, j'aurais jamais pensé ça. Ah ouais. Ça fait partie des films qu'on cite pour parler de Tom Cruise. Ça a été un gros succès. C'est un réalisateur un peu auteur, on va dire, pour Hollywood quand même, Sidney Pollack. Oui, complètement. Non, mais les réalisateurs, pour le coup, ça compte. Parce que c'est pas une production Paramount ou un truc avec Bruckheimer et tout ça. Là, c'est une vision un peu plus singulière. Après, ça reste une adaptation de Grisham et tout ça, mais c'est quand même Hollywood. Il n'est pas haut dans mon estime. Mais du coup, j'ai décidé de donner un blanc à 50% au milieu, comme ça. Ça, c'est vraiment pour dire j'ai rien à dire. Bah oui, mais exactement. C'est exactement ça. 50% parce qu'il est quand même bon, c'est mieux que la dernière fois, mais pas trop non plus, quoi. D'accord. Okay. Je veux qu'il me surprenne, cet homme. Bah oui, bah il va arriver, je sais. Mais moi, j'étais parti pour mettre ça au-dessus de Top Gun. Plus que 70. Ouais. J'avais mis 72 à Top Gun. Parce que tu avais mis 68, tu avais fait un truc un peu pas sympa. Déjà, 70, ça, je crois que j'avais mis. Non, tu avais mis 60. Bah bref. Du coup, pour moi, je mettrais ça au-dessus de Top Gun. Parce que là, on est au niveau de l'interprétation, tout ça. On est sur le cadre. Là, c'est le maître étalon de ce que Tom Cruise fait quand il fait ce genre de rôle. Après, le fait que ce film soit quand même bien reçu, bien marché, c'est Sidney Pollack, etc., je le fais passer un tout petit peu au-dessus. Donc du coup, 73. Ouh là là là là là là. On a des vrais écarts là sur les derniers films. Et ouais, on n'est pas d'accord. Non. Mais toi, t'aimes bien les films sur les avocats. Moi, ça m'a... Mais c'est pas tant le film, je te dis. Je trouve que vraiment, la performance de Tom Cruise, c'est assez... on est sur la version... c'est bon, c'est abouti, ça, il sait faire maintenant. Allez, on charge. Là, maintenant, pour que ça monte, va falloir proposer un petit peu d'autres choses, j'ai l'impression. D'accord. Et est-ce que tu veux le Rotten Tomatoes ? Oui. Le Rotten Tomatoes. C'est énorme, non ? 75%. Ah, moins que la dernière fois ? Bah oui. Moi, je trouve ça mieux. Un meilleur divertissement. Mieux complet. Mais bon, enfin, mieux complet, ça se dit pas. Plus complet. Je sais pas, tu demandes à moi. Ça va, n'importe quoi ça va faire. Alors, Très bien. Alors, est-ce que tu veux, parce que là, on arrive le moment que tu n'aimes pas. La question du moment. What? Non, vas-y. Alors, c'est une question un petit peu con. Tu me diras ce que t'en penses. Mais est-ce que tu crois que Tom Cruise, il comprend les messages qui sont véhiculés dans ses films ? Parce que là, tu vois, on est donc 93. Tom Cruise est clairement dans l'église de Scientologie. La firme, ça parle quand même vachement... c'est pas une secte, mais c'est quand même des comportements sectaires. Il y a quand même tout ce truc sur l'endoctrinement et sur comment tu vampirises les gens et ceux qui sortent, tu les tues. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Il y a quand même un peu ce sous-texte-là, je trouve, dans la firme. Tu penses que c'est pour ça qu'il veut pas dénoncer les mafieux parce que ça part sur la Non, non, non, pas du tout. Mais je me demande, en fait, tu vois, est-ce que ça a un compte ? Est-ce que dans sa tête, il se dit, parce que. Je pense pas que les réalisateurs fassent. On va prendre Tom Cruise comme ça, il va comprendre que c'est qu'il mal. Le truc. Mais est-ce que, il y a pas que ça, mais tu vois, comment il est en accord avec ce qui est raconté dans les films ? Parce qu'on prend l'autre exemple, tu vois, il fait Top Gun, qui est comme une espèce d'apologie de l'armée, et trois ans après, un peu plus, quelques années après, il fait Né un 4 juillet, qui est tout l'inverse, quoi. Oui. Du coup, comment tu... C'est difficile parce qu'après, on ne sait pas les idées mais politiques et les manières de voir de Tom Cruise, on ne les connaît pas. Et personne ne le sait vraiment à part lui, je pense. Ouais. Et comment tu navigues entre ça? Ou alors, c'est juste purement un super professionnel qui, quoi qu'on lui demande de faire, il le fera, même si ce n'est pas son avis. Moi, je pense qu'il est très conscient de ce qu'il dégage à l'écran et qu'il va justement... Après là, je pense que les rapprochements entre Scientologie et la firme, ouais, c'est toi. Très tiré par les choses, je suis d'accord. Mais c'était pour un moment. Mais je pense qu'il est très conscient, tu vois, tous les travaux sur son image dans les années 80 et son image dans les années 90, ouais. La recherche des réalisateurs d'un certain type, les dégringolages aussi de son image d'arrogant. Franchement, il est trop, il le sait. Ouais. Mais il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de faire des trucs pro-scientologie, tu vois. Il peut se permettre de détruire la scientologie sur l'écran, ouais. Tout en sachant qu'il fera quand même l'apologie de la scientologie à côté. Ah, quoi. Ouais. Ouais, j'avais pas senti. Non, il est trop puissant, les mecs. Hein. Ah, ouais. Parce que ouais, je me disais, il y a quand même ce truc où... Quand il fait Top Gun, dans la foulée, on lui demande de faire le 2. Il dit non, parce qu'en fait, en gros, ça va, je veux pas. Contrôle son que, image. Je veux pas aussi. Avoir que cette image-là. Et puis bon, l'apologie de l'armée, finalement, enfin, d'être l'image de l'Amérique de Reagan, ça a duré un moment, mais ça, ouais. À un moment, il va falloir se réinventer. Du coup, effectivement, il doit être très conscient maintenant. Est-ce que. Mais parfaitement. Dans les messages politiques qui doivent être envoyés, comment tu peux. Enfin, c'est pas évident, je trouve, de comprendre ce que pense ce monsieur. Bah, on le saura jamais. On le saura jamais, je pense. Il viendra un interview avec nous, mais. Oui. Je suis pas sûr que tu aies le droit de demander. Alors, la scientologie. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous passez? Putain, les trucs horribles. Je suis bien sûr. Je pense que c'est mort. Et en plus, je pense que les trucs encore plus importants, c'est qu'il n'est pas tout seul. Lui, oui. Il doit avoir une équipe qui gère son image, son publiciste, son machin. D'avoir une équipe de football qui s'occupe de lui. Ils sont tous méga conscients et c'est leur taf de s'occuper de ça. Ouais, non, mais là, c'est rien à laisser au hasard. Hein. Oui. En tout cas, jusqu'aux années 90. Je dirais. Et après, peut-être ça a changé encore. Ouais, il faudra. De toute façon, on va voir. Mais ça, voilà, ça fait partie des trucs. Du coup, je me disais quand même, il y a tellement des grands écarts du coup, ouais. Entre les différents films dans les idéologies que comment lui se situe. C'est un truc qu'on va suivre, quoi. Comment oui. Il gère, et ça rejoint effectivement ce que tu dis, comment il gère son image. Quoi. Ouais. Ah là là. Dun, du coup, dun, dun. Comment il gère son image, ça c'est cool, mais comment tu gères tes recommandations? Oh c'est non, autre chose. C'est moins cool. Eh bien, j'avais pas d'idée. Ah mais là, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de Holly Hunter, et moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé les ouais. Scènes de piano. Ouais, c'est bien. Ça. C'est trop, trop bien. Et il y a un bande son qui est un piano, donc ah, deux liens. Bah, oh bravo, ça, là, c'est jamais vu. Et elle a gagné l'Oscar. Non, vraiment, vraiment trop bien. Voilà, okay. J'ai pas trouvé autre chose. Bah dis. Et enfin, toi, la prochaine fois, il faudra se réveiller hein, sur les recommandations. Bah oui, et s'il change des rôles, parce que maintenant. Ouais. Ouais. Bah, je pense que le prochain, normalement, tu peux en trouver plein. Oui, plein je pense aussi. Je pense que t'en as déjà 40. Ouais. Moi, c'est une recommandation, c'est par rapport à un des patrons de la boîte, qui est joué par Al Holbrook. C'est qui est celui qui a la petite moustache blanche. Avec les cheveux blancs. Ouais. Ouais, les chef-chef. Ouais. Chef, je sais pas si c'est le chef-chef. Enfin, bon, un des ça chefs. Doit être l'italien, Bendini, sûrement. Peut-être Bendini, je ne sais pas. Les mafieux. Eh bien, il a joué dans un film que je recommande qui s'appelle Les Hommes du Président. Ah. Il joue Gorge Profonde. Celui qui. Oh, d'accord. Et Les Hommes du Président, c'est pas que parce qu'il y a lui. C'est parce que Les Hommes du Président, c'est quand même un peu cette histoire aussi de complot et d'enquête, etc. Et que comme il y a. Quelques épisodes, j'avais recommandé La Classe Américaine, autant recommander l'original, Les Hommes du Président de Alan Pakula, qui est un super film d'enquête et de suspense, c'est un peu thriller, un peu dans le genre, c'est trop plus, bien. Plus politique que là, c'est vraiment plus angoisse et, ouais. Et complot, mais voilà, et c'est un super film qui vieillit pas. Génial, voilà. Parfait. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas mal finalement. Okay. On est allé un peu haut là dans les recommandations. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu élite. Un peu élite. on se recalmera la prochaine fois. Ouais. Ok, cool. On en a fini pour ce film, The Firm, la firme de Sidney Pollack. On se retrouve dans 2 semaines. Avant ça, on est sur Internet. Sur le site internet cruisecontrol.card.co, card C-A-2-R-D.co. Il y Il y a tous les liens pour aller sur Instagram, sur Twitter, nous trouver sur iTunes, sur machin, nanana. Faut mettre. Non, il faut rien. En fait, tu fais ce que tu veux. Si vous voulez. Si tu veux nous aider, tu mets des étoiles sur iTunes, comme ça le podcast, les gens le voient mieux. Je crois que c'est ça le point. Oui, c'est ça. Plus et des recommandations, tu as plus voilà, les gens. Tu as plus de recommandations, donc les gens ils le voient mieux, donc ils le regardent plus, donc ils regardent du Tom Cruise, et on va finir par faire une statue, voilà, sur de Tom Cruise. Et, ou alors lui donner un Oscar. Peut-être, imagine si tout le monde met 5 étoiles, peut-être qu'à un moment les gens vont se dire, il y a beaucoup de podcasts sur Tom Cruise, peut-être qu'il faudrait lui donner un Oscar. Ça commence. Donc en fait, c'est pas tant pour nous que vous nous mettez non, des étoiles, non, c'est nous, pour Tom Cruise. On s'en fout. C'est pour un Oscar. C'est ça, on est sur des mais on n'est pas très bon en marketing. Bref. Après, on est hébergé par PodCloud, qui fait de l'hébergement de qualité pour les podcasts indépendants. Génial. Avec un super catalogue et tout ça, donc allez-y, courez-y. Et dans deux semaines, on se retrouve, on va parler de Entretien avec un vampire. Ouais. Interview with a vampire. J'ai perdu son nom, ça y est, ça, je l'ai mangé le nom. Si c'est fou. Bon. Peu importe. C'est Jordan. Neil Jordan. Merci. Voilà, super. Ok. D'ici là, vous avez le temps de le regarder. Oui, regarde-le. Vous avez le temps de regarder ça, vous avez le temps de regarder toutes les recommandations, etc. Oui. D'écouter les anciens épisodes, d'en parler autour de vous, etc. Et nous, on vous laisse avec un petit peu de musique et on vous fait des bisous. Bisous. Oh oui, bleu.